Chapitre 3e, Une voix sur le lac. Le premier mouvement de Delbon, vite revenu de son émoi, fut de tourner l'espagnolette pour ouvrir la porte-fenêtre. Du balcon, il se rendait compte de l'endroit approximatif d'où provenait le projectile. Mais il était peu impulsif, et ses nerfs demeuraient soumis au contrôle de sa raison, même sous l'empire d'une émotion pareillement légitimée. Avant d'agir, il réfléchit à l'événement avec froideur et se mit à l'envisager comme les données d'un théorème. D'une part, déduisit-il, je n'apercevrai sans doute rien, car la trajectoire de la balle indique qu'elle fut tirée d'un arbre ou d'une éminence quelconque. D'autre part, en me découvrant une seconde fois, je risque fort déçu une deuxième décharge, si c'est à ma peau qu'on en veut et si l'on s'acharne à ma perte. Gagnant donc un angle de la pièce, il alla Bernard par trois fois. L'écho de la vieille demeure reprit et amplifia le nom. Cependant, il fallut encore un cinquième, un sixième appel pour faire paraître le domestique. Du seuil, la voix mal affermie lut un « Et qu'y a-t-il, monsieur ?» qui parut suspect à Delbon. De fait, il était très ému, et si son masque conservait sa placidité naturelle, ses mains tremblaient visiblement. Il avait entendu sans doute le coup de feu, mais l'ingénieur eut une intuition qu'il nierait pour de mystérieuses raisons. Cette conviction l'exaspéra, il rudoya. « Qu'y a-t-il? Tu en as de bonnes, mon garçon, et cette détonation, parbleu, tu ne penses pas, j'imagine, que ce soit celle d'une cause de poids. Ou tu es sourd comme un pot, ou bien... » Il n'acheva pas. Il y a des soupçons qu'on se doit de conserver par-devers soi, tant qu'ils n'ont pas pris tout à fait corps. L'autre avait d'ailleurs retrouvé tout son imperturbable aplomb, et il donnait tranquillement une explication fort plausible. « Une détonation, seigneur. Je n'ai rien entendu. Il est vrai que je m'occupais à ma vaisselle dans ma cuisine. » Une opération, monsieur, qui nécessite beaucoup de soins. Et dame, par surcroît, une sale fièvre, une sacrée fièvre typhoïde, m'a laissé non pas sourd, bien sûr, mais quand même un peu dur d'oreille. Et puis, monsieur me pardonnera, mais je ne vois pas pourquoi monsieur s'émeut tellement d'un coup de fusil. Les chasseurs et les braconniers ne sont pas rares dans la région. Delbon, dès lors, s'exaspéra. Tu te serais ému à ma place, regarde-moi un peu ce carreau. L'invitation parut surprendre le domestique qui constata, avec un étonnement stupide, pas possible, la vitre est brisée. L'irritation de Delbon s'accentua. « Eh oui, parbleu, bougre d'idiot qu'elle est brisée. Et sais-tu comment et par qui? Une balle franche, mon bonhomme, une balle plus franche que ta conduite. Et il s'en est fallu d'un pouce et de quelques fractions de seconde qu'elle ne m'expédie dans l'autre monde pour voir si j'aurai le plaisir de ne jamais t'y rencontrer. Non, l'affaire ne vaut pas la peine qu'on s'y arrête, n'est-ce pas ?» La perspective du danger qu'avait couru son nouveau maître n'était sans doute pas de nature à ranimer l'émotion maintenant dissipée de Bernard. Il répondit par un proverbe de son cru, suivi aussitôt d'une explication pour le moins originale d'invraisemblance. « Faut pas s'alarmer de la chute d'une porcelaine avant qu'elle casse. Monsieur est sauf, il y a des chances pour que la chose recommence, point. C'est pas souvent que les chasseurs de Paris s'y tirent au canard. » Delbon riposta. « C'est dommage qu'il n'ait pas tiré sur le tien. Il ne l'aurait pas pu manquer, tant il est gros. » T'en as de bonnes, chasser le canard à 7 heures et à balle encore. Tu as vu ça? Parole, je ne serais pas fâché de connaître le phénomène qui se livre à ce petit sport. Tu peux lui dire à l'occasion que je ne gaspille pas ma poudre et que je ne suis pas manchot s'il a besoin d'un coup de main. En attendant, conduis-moi donc au bord du lac. J'ai comme idée que nous risquons d'y rencontrer ton fameux tireur de Halbrand. » L'ingénieur s'assura d'abord qu'il avait bien son Browning et que le chargeur fonctionnait, puis, allumant la cigarette qui lui avait sauvé la vie et qu'il espérait consumer jusqu'au bout, cette fois sans à-coup, il l'apostropha avec verve. « Exemple d'ingratitude humaine, je te devrais, ô Murati, garder sous globe et conserver avec respect comme une relique. Or je te gris, ô parfumé comme du vulgaire caporal, belle matière à philosopher. » Revenu à cette bonne humeur, base même de son caractère, et qui lui avait toujours permis d'affronter avec insouciance les avatars, les ennuis et les désagréments multiples de son aventureuse carrière, il cria, d'un ton de soudard, « En avant, marche, par file à droite !» Traversant la clarté lunaire qui baignait une vaste pelouse, les deux hommes pénétrèrent sous bois. Entre les fûts sombres aux clairières, de la lumière ruisselait et formait sur le sol neigeux comme de grandes flaques de lait bleuâtre. Il leur fallut assez de temps pour atteindre la rive du lac, car le pied, hésitant, butait contre des souches et des racines à fleurs de terre ou s'enfonçait dans un trou recouvert. Souhaitant presque que l'expédition se transformât en promenade, Delbon songeait. « Le sale oiseau aura plus que le loisir de s'envoler, et je n'ai pas la moindre chance de m'assurer de la couleur de son plumage. Bon, tant pis. Rien ne vaut, en somme, un petit tour après dîner, pour faire marcher la digestion et éviter les cauchemars. On arriva au bord du lac. Les hauts arbres qui l'entouraient le saignaient d'une ceinture d'ombre, mais le milieu faisait songer à une immense écharpe d'argent jetée là avec négligence, ou encore évoquait une ronde vertigineuse de lutin. De la crique de sable fin, aménagée en petit havre, où les deux hommes s'arrêtèrent, saillait un appontement de bois. Une chaîne y rattachait une yole, mince canot, aux lignes élégantes, à l'unique banc de rameurs, qui devait filer rapidement sous l'impulsion de bras musclés. L'ingénieur le considérait sympathiquement en connaisseur, lorsqu'un bruit léger d'aviron, un clapotis des plus discrets, lui firent tourner la tête. À sa droite, on ramait doucement, posément, dans l'ombre des arbres. Était-ce le tireur maladroit, ou trop adroit de tout à l'heure qui se rembarquait, son coup fait? Voulant en avoir le cœur net, Delbon commanda. « Au canot, sautons dedans, détache-le » L'injonction ne secoua pas le flegme apparent de Bernard, qui, sans même bouger, objecta. « Monsieur n'est pas prudent. Si, comme monsieur me l'a laissé entendre, monsieur pense qu'il eut affaire à un véritable malfaiteur, monsieur court en le poursuivant d'incontestables et dangereux risques. Un fusil a toujours deux coups. Monsieur n'en a essuyé qu'un. Il reste une cartouche à brûler. » Delbon s'impatienta. « Suffit ! Je n'ai que faire de raisonnement. Détache la barque. Allons, dépêche !» On nageait toujours près de là, dans l'ombre dense des grands arbres. Innocence ou excès d'audace. Mais, du moins, on ne se sauvait pas plus qu'on ne se dissimulait. Avait-on la conscience tranquille ou bien, dans les ténèbres complices, machinait-on un nouveau coup? Quoi qu'il en fût, il convenait de connaître l'identité de quiconque, témoin ou complice, boguait sur le lac cette nuit-là. Avec sa claire intelligence, sa volonté sans cesse tendue, le jeune ingénieur abhorrait, par-dessus tout, l'indécision. Aussi fut-ce assez rudement qu'il demanda au domestique, qui ne semblait pas se hâter d'exécuter l'ordre reçu, « Est-ce enfin prêt? Puis-je sauter ?» Très placide, Bernard remarqua, « Sauter où? Dans la barque ?»« Mais non. D'ailleurs, ce serait inutile, elle est tenue par un cadenas, dont je n'ai pas la clé ici, car elle est restée suspendue à mon trousseau dans la cuisine. Dois-je aller l'acquérir exprès ?» Delbon s'emporta. « Animal, pourquoi n'as-tu pas pris cette clé ?» Toujours d'un même ton neutre et morne, Bernard s'excusa pour prouver qu'il n'était nullement dans son tort. « Et monsieur ne me l'avait pas dit ?» L'ingénieur se fâcha tout rouge. « Triple idiot, crétin, grande buse. Ah, il faut te dire tout, te commander tout, point par point. Si je ne te donne pas l'ordre de te laver, tu prépares ma cuisine avec des pâtes sales et pleines de crottes. Crénom d'un chien, tu n'as pas eu l'intelligence de prévoir qu'en venant ici, nous risquions d'avoir à user du canot. Butor, imbécile !» Alors, de droite, venue de l'ombre, chargée peut-être de menaces, une voix s'éleva, fraîche, cristalline, en harmonie avec la nuit. Les paroles raillaient. « Beau seigneur, s'il y a des sirènes sur la mer, il en est aussi sur le lac, et elle s'enfuit, effarouchée par le maître, trop peu courtois, du château du reliquaire. » Émergeant de l'ombre, une barque toute blanche gagna le milieu de la nappe d'argent liquide, légèrement maniée par une forme de jeune femme ou de jeune fille. L'extrémité des avirons qui riflaient l'eau en arrachait des paillettes de mica, et c'était à croire qu'une fée laissait nonchalamment flotter, sur l'onde, sa longue traîne de moire. Et l'on pouvait s'imaginer l'escorte immaculée des cygnes. Incapable d'apercevoir les traits du visage, l'ingénieur lui prêta la fraîcheur d'une fleur de nénuphar à peine coupée. Quant à la taille qui se courbait et se redressait, eurythmique, elle s'apparentait dans l'esprit à la sveltesse des roseaux. Soudain, on chanta dans une langue où Delbon pensa reconnaître des sonorités italiennes, tant les syllabes en étaient musicales, d'une caresse de songe. Que disait cette barcarolle? Exprimait-elle de regrets, de tendresse, d'aspiration et de désir inassouvi? Henri commença par rager de ne pas en saisir le sens, mais, artiste, il ne tarda pas à se laisser aller au charme et pensée morte. Il subissait le joug berceur, lorsqu'une vocalise plus tendre que les autres, et plus douce encore, se termina brutalement par un éclat de rire limpide. On persiflait, sans aucun doute, pour rappeler la réalité. Delbon décida, courons vite sans nous éloigner de la rive. Nous verrons bien où débarquera notre charmante cantatrice, car elle doit être charmante, n'est-ce pas? Bernard arrêta son élan, comme le rire déconcertant l'avait arrêté dans son rêve. Que monsieur ne se bouscule pas, c'est inutile, le mur d'enceinte empêcherait monsieur d'avancer. Et il lança un des proverbes dont il paraissait posséder un monopole de dépôt, sinon de fabrication. Il y a des murailles comme des femmes, elles vous cassent vos seaux en avant. Delbon se résigna sans grâce. Vas-tu au moins pouvoir me dire quelle peut être la jeune personne qui, pour canoter, choisit l'heure où les honnêtes gens sont couchés ?» Le rusé Bernard esquiva une réponse immédiate. « Oh, monsieur, monsieur exagère. Les honnêtes gens ne sont pas couchés puisque nous sommes là. Quant à la dame, j'en sais trop rien. C'est peut-être bien la fée du lac. Bon, » coupa l'ingénieur d'un ton assez bref, pour signifier qu'il n'entendait pas tolérer les plaisanteries du serviteur. Tournant aussitôt les talons, il prit le chemin du retour et regagna son studio. Bernard l'y avait escorté et il allait probablement lui faire remarquer son sans-gêne quand le domestique, déployant avec précaution un journal, prévint toute observation. « Demain matin, je ferai venir le gars vitrier du village. En attendant, si monsieur veut, je vais remplacer le carreau par une feuille de papier. Rien qu'il soit plus hygiénique. Et sans cette petite précaution, je craindrais que le frais de l'aube n'accommodât un peu monsieur, à qui, pris trop à l'improviste, j'ai dû dresser un lit de camp dans cette pièce, provisoirement. La chambre de monsieur, située dans la partie inachevée du bâtiment, sera prête dès que... » Delbon, dans sa hâte d'être seul, pour mettre de l'ordre dans ses idées, n'accepta pas la prévenance et coupa les explications. « Grand merci de ton attention, mais j'ai souvent dormi dehors à la belle étoile et l'air frais n'est pas fait pour m'incommoder. Je n'ai plus besoin de rien. Tu peux te retirer. Bonsoir. » « Bien, monsieur. Je souhaite à monsieur une excellente nuit de repos. » S'empressa de saluer Bernard qui s'esquiva silencieux. Face à face avec le souvenir des péripéties dramatiques qui avaient meublé sa soirée, dans le silence plein d'inconnus du château du reliquaire, Henri Delbon réfléchissait. « Suis-je bien sûr de trouver ici le repos que Bernard me souhaite, avec peut-être quelque ironie ?» Puis, haussant les épaules, afin de se témoigner à lui-même du mépris pour l'appréhension irraisonnable, irraisonnée qu'il ressentait, il s'efforça de s'imposer une discipline. « Commençons d'abord par remplir une des clauses du testament, » s'ordonna-t-il, en atteignant au rayon surchargé de livres l'ouvrage sur les trois ordres grecs dont il avait, 2 heures avant, remarqué la riche reliure. Il l'ouvrit et, consciencieusement, entreprit de lire la préface. Les édifices grecs, on le sait, relèvent de 3 ordres, le dorique, l'ionique et le corinthien, dont j'essaierai de définir les caractères en m'appuyant sur les plus divers. Les mots lui parurent vides de sens, effleurèrent à peine son esprit. Machinalement, comme un enfant qui annonce une leçon ardue, Delbon redit, du bout des lèvres, « De définir les caractères. » De définir les caractères. » Puis, fâché de ne pouvoir se dérober à l'obsession qui persiste à le distraire, il jeta l'ouvrage, commentant de la sorte son geste d'humeur. « Les caractères des ordres grecs. Leurs caractères. Je m'en moque. Celui de ce sacré Bernard me préoccupe fichtrement plus. » Et ramassant ses préventions contre le fâcheux domestique, se remémorant l'équivoque de ses attitudes, de ses airs, il ne fut pas loin de le rendre responsable formellement de l'incident qui aurait pu l'envoyer au royaume des ombres. Aussi, avant de se coucher, eut-il la précaution de mettre son Browning sur l'oreiller.